tu bats. Dis-moi si tu bats ou pas. Mon cœur, je ne comprends pas si tes battements me mentent ou pas. Tu bats, donnez-moi un bon tuba. Dans ces eaux troubles, je ne respire pas. Et la scène est si jolie. Touba, dis-moi les mots touba. L'après de moi qu'il n'existe que pour ça, pour s'attirer des ennuis avec moi. Tout balance quand tu danses, tout bascule et moi je recule, de peur de me faire sauter la capsule. Et la scène est toujours, toujours aussi belle. Et c'est encore l'amour qui m'envoie valser dans les airs, qui me cogne la tête par terre et renvoie mon cœur au vestiaire. Fesses des hommes s'affaissent sur des fesses de femmes, des femmes de fesses belles, des princesses sans âme, des princesses en larmes qu'ils célèbrent en armes, en ombre dans l'ombre oisive du phare qui les égare dans les adieux d'une gare. Regarde un peu au fond de leurs yeux perdus comme elles sont belles quand elles prennent avec elles nos ailes.